Connaissez-vous Zamor, l'esclave qui fit guillotiner sa maîtresse sous la Révolution? On voit au Louvre une aquarelle de Moreau représentant la grande salle à manger du pavillon de Louveciennes, un soir de fête. Louis XV soupe chez Madame du Barry. Au premier plan, une belle marquise bourre de pralines un jeune nègre, coiffé d'une toque blanche à plumes, vêtu d'un petit habit rose et chaussé de hautes bottines noires. C'est Zamor, le page favori, amené tout enfant du Bengale par un capitaine anglais. Madame du Barry, ayant jugé que ce moricaud de 7 ans ferait bonne figure entre sa chienne, sa perruche couleur d'azur et ses singes blancs, l'avait attaché à sa maison. L'enfant parut intelligent, on lui apprit à lire, on le baptisa en grande pompe et sa belle maîtresse lui servit de marraine. Voilà comment Théodore Gosselin, dit « le nôtre », présentait l'histoire de ce petit esclave dans un ouvrage paru en 1900. Né vers 1762 à Chittagong, actuellement au Bangladesh, il est mort le 7 février 1820 à Paris. Victime d'un trafic d'esclaves entre le Bengale et Madagascar, il entre à l'âge de 11 ans au service de la comtesse du Barry. Jusqu'à l'abolition définitive de l'esclavage en 1848, plusieurs milliers d'esclaves d'origine africaine, le plus souvent, ont séjourné en métropole. La plupart étaient des domestiques au service de riches bourgeois, mais surtout de la noblesse qui exhibait ses négrillons pour afficher ses richesses. Depuis 1315, le droit permettait à un esclave résident sur le sol français de réclamer sa liberté. Cette loi fut souvent contournée par les propriétaires d'esclaves, mais Zamor en bénéficia. La comtesse s'occupa de lui, le baptisa en grande pompe en lui donnant le prénom de Louis Benoît. Elle lui apprit même à lire. Voilà une comtesse au grand cœur, diront certains. Peut-être, mais pour comprendre l'intérêt qu'elle portait pour son négrillon, il faut le replacer dans le cadre des formes interpersonnelles de domination qui caractérisaient alors la société de cour. La comtesse du Barry, qui s'appelait Jeanne Bécu de son vrai nom, fit son entrée à la cour de Versailles grâce à son proxénète, lui-même au service d'un clan de courtisans qui cherchait à réduire l'influence du duc de Choiseul sur le roi Louis XV. Jeanne parvint à séduire le monarque et utilisa son petit négrillon comme un objet d'amusement censé divertir le roi. Voilà pourquoi, comme l'écrivait Gosselin dans le passage ironique que j'ai cité plus haut, le négrillon devait faire bonne figure entre sa chienne, sa perruche couleur d'azur et ses singes blancs. Ce qu'oubliait la comtesse du Barry, c'est que Zamor n'était pas un animal mais un être humain. En lui apprenant à lire, elle lui fournit les armes qui lui permirent de défendre sa dignité. Devenu adulte, il évoqua ses années d'adolescence en disant que la comtesse l'avait recueilli et élevé pour faire de lui son jouet, sans cesse en butte aux railleries et aux insultes des familiers du château. Quand éclata la Révolution française, Zamor rejoignit le club des Jacobins et se mit à écrire des pamphlets sur sa maîtresse. Celle-ci, l'ayant chassé de sa maison, il la dénonça au comité de salut public. Emprisonnée, la ci-devant citoyenne Jeanne Bécu fut guillotinée. Zamor fut lui-même emprisonné, mais il échappa à l'échafaud parce que ses juges constatèrent, je cite, « que l'étude approfondie de Jean-Jacques et de Mably l'avait soustrait à la corruption d'une cour infâme ».